Est-il certain que la ville soit tout boudin? Un coup down, c'est sûr que je m'emprisonne. Je me rends compte que des choix, je n'en ai jamais fait. J'ai toujours pris la voie qui était la plus propice au plaisir que me donne la joie de faire ce qui me plaît. Si la pente est raide et que j'ai besoin d'aide, c'est pour moi une douceur de grandir à toute heure. On pousse toute notre vie. Grandit ou bien pourrir. On pousse toute notre vie. Grandit ou bien pourrir. Quand je suis mal, aussi mal que je suis en fond de cale, qu'un rien me déglingue et que tout me rend dingue, que la moindre question me semble être un procès en inquisition, que toutes les cellules de mon corps sont figées en un silence de mort, que je deviens monolithe, un corps de granit, que le temps s'épaissit, me quitte et me retrouve assis. Qu'un jour triste plus noir que les nuits m'interdit le moindre bol d'air. On pousse toute notre vie. Grandit tout bien pourri. On pousse toute notre vie. Grandit tout bien pourri. Mais quand le vide en maître règne dans mon cerveau vacant, quand je ne suis plus qu'un vieux grenier béant, débarrassé de tout cet amas de vétus souvenirs grippés, permettant enfin au vent de s'engouffrer dans mon cœur enjoué, où tel un Rubik's Cube prêt à s'articuler, où j'attends l'envie, la tentation de tout changer, de tout réorganiser. Alors la vie devient bonheur, le temps devient blagueur, et les rires et les fêtes m'embaument de leur vapeur. On pousse toute